Mardi le 12 juillet, il est 12h30 et c'est l'heure des informations. D'abord, un débat fait rage concernant les 3 forages que l'entreprise Petrolia doit mener cet été à l'île d'Anticosti. L'entreprise s'est adressée aux tribunaux ce matin pour forcer la main du gouvernement, tandis que l'exploration pétrolière s'attire les foudres d'une communauté autochtone. La communauté Innu de Mingan menace de bloquer le projet d'exploration. Son chef est à Niagara aujourd'hui, où se déroule l'Assemblée des Premières Nations du Canada pour solliciter l'appui des autres communautés. Les Innu comptent demander une injonction cette semaine pour empêcher les 3 forages et ils menacent d'occuper l'île d'Anticosti s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Le premier ministre Philippe Couillard a affirmé qu'il comprenait les craintes de la communauté Innu. Réagissant depuis l'Allemagne où il est en mission économique, il a indiqué que la voie des tribunaux était à privilégier. Le premier ministre est lui-même défavorable à l'exploitation pétrolière à Anticosti, mais le gouvernement provincial est lié par des obligations contractuelles avec l'entreprise Petrolia. Petrolia qui réclame de son côté une injonction pour obliger le gouvernement du Québec à financer sa part des travaux. La pétrolière québécoise affirme que le gouvernement tarde à lui faire parvenir les sommes dues. À Cap-Rouge, l'entreprise Anacolor devra améliorer son usine pour mettre un terme aux problèmes de qualité de l'air. L'entreprise spécialisée dans le revêtement de métaux est pointée du doigt pour des émanations. L'augmentation de sa production en 2012 a entraîné une hausse des plaintes des citoyens. La Direction régionale de la santé publique et le ministère de l'Environnement vont présenter ce soir les résultats d'une étude menée sur les impacts des émanations. La situation aurait été jugée préoccupante, mais non alarmante par les autorités. Tous les détails seront connus en soirée. À Lévis, la municipalité pourra, elle aussi, accueillir d'immenses navires de croisière internationaux. La ville de Lévis qui pourra, par le fait même, profiter de la manne touristique et des retombées économiques qui viennent avec ces croisières. C'était un souhait exprimé par Lévis depuis plusieurs années. Et en vertu d'une entente avec le port de Québec, des bateaux allant jusqu'à 270 mètres de long pourront accoster près du quai Paquet, récemment rénové. Et ce, dès l'été prochain, la mesure permettra, par le fait même, de soulager les installations du port de Québec lors des journées très achalandées. Enfin, terminons sur la scène internationale, puisque c'est officiel, Bernie Sanders accorde son soutien à Hillary Clinton. Dans un discours conjoint au New Hampshire, il y a quelques minutes de cela, le sénateur du Vermont a finalement reconnu que Mme Clinton avait remporté la primaire démocrate. Dans les faits, la victoire de Mme Clinton est assurée depuis des semaines, mais Bernie Sanders s'est accroché à sa campagne pour imposer son agenda politique jusqu'au dernier moment. Bernie Sanders qui a promis de poursuivre ce qu'il qualifie de révolution politique, mais il a promis d'aider Mme Clinton à gagner l'élection de novembre. Et c'est ce qui complète ce bulletin d'information. C'était Dominique Lelièvre pour CKRL.